qui a beaucoup servi. Fais un pansement autour et puis il faut lui apprendre à se servir des doigts. On a coupé les ongles trop courts une fois. Prends ses bras qui ont serré les maladresses des inconnus. Entoure ce corps qui a donné la vie avec les brassières de survie, de sur, de sur, de sur, de survie. Prends cette bouche et cogne les dents, pousse un peu de toi dedans, soulève les pulls, les jupes et les voiles, je veux être devant toi à poil, je veux connaître tes veines, tes bleus, tes plis, ta nuque, vois tes cheveux dans tous les sens. Et upside down et endormi, sentir le poids de ton corps qui pèse sur moi. Je veux sentir ton cœur reposer contre la cage qui enferme le mien. Oser être vu par toi demain, les yeux bouffis, la main posée sur ta hanche, la marque déposée. Veux-tu bien être mon dernier amour? C'est pas grave si pour toi, c'est pas grave. Si pour, si pour toi, si pour, si pour, si pour toi, c'est pas sûr.